Jazz Time, présenté par Gérard. Au sommaire de Jazz Time, l'année 1959, une année folle pour le jazz et une bande-son tout aussi folle. 1959, c'était il y a 60 ans, le jazz entre en ébullition. Ce sont les termes qui ouvrent le dossier que le mensuel Jazz Mag a proposé en début du mois de février. Un dossier en 7 chapitres et 59 dates. Un dossier que nous vous proposons de feuilleter en musique. Jazz Time sera donc aujourd'hui la bande-son de cette folle année 1959. Avec au générique, pas moins que Miles Davis, Lester Young, Billie Holiday, Wayne Shorter, José Davinul, John Coltrane, Charles Mingus et du jazz au cinéma, comme aux États-Unis et en France. Ainsi, en 1959, c'est la fin d'une époque avec les disparitions de grands noms, le batteur Baby Dodds, le saxophoniste Sidney Bechet, Lester Young, la chanteuse Billie Holiday. Et c'est aussi en 59 un grand tournant avec l'arrivée du jazz tellement neuf et tellement divers que l'on ne manquerait pas de mettre un doute sur son identité, pour reprendre une phrase de l'éditorial de Frank Bergerow. En ouverture du dossier 1959, année folle, le Jazz Magazine, l'histoire commence avec deux dates. Le 2 mars et le 22 avril 1959, quand Miles Davis réunit autour de lui, en studio pour Columbia, le saxophoniste alto Cannonball Adderley, le saxophoniste ténor John Coltrane, deux pianistes, Wynton Kelly et Bill Evans, qui alterneront, le contrebassiste Paul Chambers et le batteur Jimmy Cobb. Il semble que les musiciens ne disposent pas à ce moment-là d'une notation de classique, mais seulement de schémas, d'esquisses, à charge pour eux d'exprimer cette sorte de bleu, Kind of Blue, puisque ce sera le titre donné à l'album qui paraît en août 1959 avec juste 5 pièces pour lesquelles le pianiste Bill Evans et sa part dans la composition. L'album Kind of Blue se vendra en millions d'exemplaires. Voici Blue in Green. Thank you. Blue in Green, une des plages de l'album Kind of Blue, enregistré en mars 1959 par Miles Davis. Toujours en mars 1959, à Paris, le saxophoniste Lester Young enregistre ce qui sera sa dernière session après 3 mois d'engagement au club Le Blue Note de Paris. De retour aux États-Unis, très mal en point, il décédera dans une chambre d'hôtel le 15 mars à New York. Quant à son amie légendaire, qu'il appelait Lady Day, la chanteuse Billie Holiday, tout aussi usée et lassée que le Preds, elle sera hospitalisée d'urgence en juillet 59, et la prémonition qu'elle avait confiée, « Je mourrai bientôt à New York entre deux flics », se réalisera tristement. La chanteuse s'éteint le 17 juillet 1959, « For All We Know ». Sweetheart, the night is growing old. Sweetheart, my love is still untold. A kiss that is never tasted forever and ever is wasted. All we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say good night until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Some tomorrow may never come. All we know. la voix de Billie Holiday, For All We Know, Billie Holiday qui s'est éteinte le 17 juillet 1959. Avant de collaborer sous le nom de Weather Report, le saxophoniste Wayne Shorter et le claviériste Joe Zawinul font chacun de leur côté quelques expériences dans d'autres formations. Pour Wayne Shorter, ce sera un séjour dans le groupe d'Art Blakey, les Jazz Messengers, dont il sera le directeur musical et fournira plusieurs compositions. Wayne Shorter accompagne les Messengers lorsqu'ils sont de passage à Paris en décembre 1959, un concert au Théâtre des Champs-Élysées avec deux invités, Bud Powell et Barney Whelan. Voici Bouncing with Bud. We'll be right back. la formation du batteur Art Blick qui en concert à Paris en décembre 1959 avec les Jazz Messengers. Et puis au saxophone, eh bien, on pouvait retrouver le jeune Wayne Shorter qui venait d'en faire partie. C'est le 26 mars 1959 que le saxophoniste John Coltrane entreprend le premier enregistrement de Giant Steps, une composition qui donnera son titre à l'album qui sera publié par le label Atlantique. Le quartet de John Coltrane regroupe Tony Flanagan ou Wynton Kelly au piano, Paul Chambers contrebasse et à la batterie, soit Art Taylor, soit Jimmy Cobb, la plupart étant ceux qui déjà faisaient partie du combo de Miles Davis pour l'album Kind of Blue, en 1959 déjà. Giant Steps. En mars 1959, le premier enregistrement de Giant Steps par le quartet John Coltrane et je vous ai proposé la version vinyle. Personnalité tourmentée, contestataire, le contrebassiste Charles Mingus entamera en 1959 une année d'intense activité créatrice en mêlant dans ses compositions la tradition du blues, l'influence des grands maîtres comme Ellington et ce ne sont pas moins de trois albums que proposa Mingus en 1959. Blues and Roots, Ad Hum et Mingus Dynasty. On se souviendra de sa composition écrite contre le sénateur raciste Phobos. C'est un extrait de l'album Ad Hum, Fables of Phobos. Thank you. La formation de Charles Mingus interprétait Fables of Phoebus. C'est un album sorti en 1959 et nous parcourons toujours cette année folle qu'a été l'année 1959. Donc plein feu sur 59, année folle pour le jazz. Au cours des années 50, le jazz occupe une place au cinéma dans les longs métrages. En France, c'est particulièrement le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud en 1957, qui met le jazz en avant avec la musique de Miles Davis. Et puis, il y aura la partition du Modern Jazz Quartet pour Sait-on jamais de Roger Vadim. L'année 1959 sera marquée aussi par la musique de Martial Solal pour le film de Jean-Pierre Melville, Trois hommes dans Manhattan, et surtout pour le film de Jean-Luc Godard. Voici un extrait Poursuite. La musique composée par Martial Solal pour le film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Vous avez choisi d'écouter Jazz Time, eh bien vous avez bien raison. En 1959, toujours en France, le réalisateur Marcel Carnet sollicite plusieurs fois des musiciens de jazz, et en particulier Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Stan Getz pour son film Les Tricheurs. Quant à Edouard Molinaro, pour son polar Un témoin dans la ville, il fait appel au saxoniste Barney Whelan avec Kenny Clark, Kenny Dorham et Duke Jordan. Vadim, lui, a choisi une musique signée Thelonious Monk, Barney Whelan, Art Blakey et les Messengers, qui accompagnera l'adaptation pour le cinéma de Liaison dangereuse. Mais les États-Unis ne sont pas en reste pour les bandes originales jazz au cinéma. Il y a déjà Billy Wilder qui, pour sa comédie Certain Lame Show, a retenu au jazz forcément hot. Et puis Robert Wise, pour Le coup de l'escalier, demande une partition à John Lewis. Et considéré comme un film essentiel, Shadows de John Cassavetes, sorti en 1959, propose une musique de Charles Mingus et Shadi Hadi, composition qui sera l'objet d'un différend entre Mingus et Cassavetes. Et puis toujours en 1959, Anatomy of a Murder, réalisé par Otto Preminger, comporte une partition de Duke Ellington. la partition composée par Duke Ellington pour le film d'Otto Preminger, Anatomy of a Murder. Encore quelques dates glanées parmi les 59 relevées par Jazz Magazine dans son dossier 1959, année folle pour le jazz. En janvier, puis en mars et juillet, Ella Fitzgerald entreprend d'enregistrer avec l'orchestre Nelson Riddle les compositions de George Ezra Gershwin, le songbook, soit 53 compositions. Voici l'une d'elles, I Got Rhythm. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm a chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm. I got music. I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man. Who could ask for anything more? Ella Fitzgerald, Got Rhythm, un enregistrement où Ella Fitzgerald avait entrepris de reprendre toutes les compositions de George Ira Gershwin. En février 1959, Ray Charles, lui, enregistre Why Did I Say parmi d'autres titres. Et cette chanson qu'il a improvisée en concert en décembre 1958 deviendra un grand succès commercial. Why Did I Say? Thank you. with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right, now, now. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlap all night long. Yeah, yeah. What I say. En 1959, Ray Charles enregistrait le célèbre Why Did I Say? Et en mars 1959, après une tournée européenne, le saxophoniste Sonny Rollins est de retour à New York. Mais il considère que pour lui, il est temps de retourner étudier, de travailler l'harmonie aussi. Il décide de prendre du recul, de s'absenter en quelque sorte. Et il va s'installer chaque jour sous le pont de Williamsburg pour souffler dans son saxophone de toutes ses forces. Il ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 1961, voici The Bridge. We'll be right back. Après Solly Rollins, et avant de refermer ce dossier 1959 année folle, voici encore quelques repères. Un repère surtout. En juillet 1959, le pianiste Dave Brubeck entame l'enregistrement de l'album qui a pour titre Time Out et où figure le titre Take Five, une composition du saxophoniste alto du quartet Paul Desmond. Voici Take Five. Quartet de Dave Brubeck. Alors, 1959 a été une année qui bouleversa le destin du jazz et le dossier du mensuel Jazz Magazine, auquel nous avons emprunté ce thème et quelques-uns de ses choix, rappelle qu'en 1959, le free jazz va bientôt apparaître et focalisera les passions au point d'éclipser la diversité de tout ce qui se joue au cours de cette décennie. Mais ceci est une autre histoire. La réalisation technique de ce numéro de Jazz Time dédié à 1959 était assurée par Quentin. Grand merci à lui. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine pour un autre rendez-vous avec le jazz dans Jazz Time, bien sûr. Au revoir.